Coba isi. Are you ready? 1, 2, 3, 4. C'est le refrain. sur la plage dorée. Ah, toi, elle refera là-bas. Sur la plage dorée, sous le ciel éclatant. Oui, à la fin de cette Gentlemen, Mr. Sir Andres. Piano. La guitare, c'est Bluesy au solo. Allez, Bluesy, à toi. Gentlemen, nous avons plusieurs solos de guitare ce soir. Il y a Yannick, il y a Cham. Et il y a Bluesy. Oh. que vous avez aimé ce petit moment sur la plage avec moi. Parce que la playa, c'est toujours bon. Alors une dernière pour la route. Sur la plage dorée, sous le ciel éclatant. Vacances ensoleillées, bonheur resplendissant. Sur la plage dorée, sous le ciel. Sans soleil et bonheur resplendissant. Sur la plage dorée, sous le ciel éclatant. Vacances sans soleil et bonheur resplendissant. Merci à vous pour ce petit moment sympathique sur Jacques Tabac. Merci. À bientôt. Bye bye. Rendez-vous sur la plage demain ou après-demain ou je sais plus quand. Merci à vous les gars. Bravo. Bravo, bravo. Sur la plage, la chanson. Thank you. Mm-hmm.